levez vos bras en l'air, oui là c'est le com-com. À part ça moi ma vie, oui c'est la crise point com. Et j'en suis pas ravi mais je resterai toujours comme je suis, tu me suis, je te fuis, tu me fuis, je te suis. Et yo, et yo, et yo, toujours en quête d'une vie meilleure, meilleure, meilleure. T'es pas dans le game, tu me fais le player, player, player. Moi faut que je me taille ailleurs, ailleurs, ailleurs. Toujours au play comme en garde-up. C'est pas toi comme on en bave, ça met dans le pochon et ça emballe. Et ce qui enquête, nous on s'emballe. Dans cette vie à pleine maladie, profite pas du bien mal acquis. Tu veux te battre, viens bien acquis. Mais sans le sait que j'aime bien la kick. Moi m'a dit, profite pas des gens, ça trop tombe dessus. Et de suite, faut des sous, je vois des signes, tu déçu. Alors je fais des sons pour descendre la tension. Parce que les temps sont durs, attention, c'est en signe. Putain d'envie de foutre le bloc son. Réveiller tout le quartier avec mon flaston ou ma hache. Imagine du tout doux, l'eau démarrage, nique ta race. Si t'as fait le BDH, si c'était ton pote que t'aimais bien, que tu lui as levé des cages, que tu lui as pété son plan B ou son plan boule. Faut pas se la faire mettre parce que les gens coulent. Y'en a pas beaucoup, des gens coulent. 2012, trop de gens sans couilles. Faut de tout pour faire un monde, alors on peut pas vivre sans con. Tu te rends compte, les hommes deviennent des femmes. D'autres se la pètent et qui a des fans. Faudrait les tarter, c'est MC, je suis pour messieurs et mesdames. Et si t'as fait le traître, alors que moi je t'ai vu faire la pute devant des mecs, ben c'est pas grave. Y'a rien que je regrette, même si je suis pas au top, que c'est pas la fête dans ma tête. Ben je bataille. Toujours terre depuis mes débuts, même si j'ai des débats sur mon compte, je mettrai toujours des buts. J'essaie d'esquiver les buts, j'suis pas ma destinée, les potes. T'as trop surestimé l'équipe, j'ai fini déçu les potes. J'pose la rage de cette époque, besoin de dégâts, j'fais seul mes prods. J'suis fier de ce que je suis, les gens jaloux, j'protège mes côtes. Ce soir j'suis avec Marie, elle est niquée ma soirée. À côté de moi y'a Sirich, vers chez lui va se dirige. Manque derrière rien ça y'a, et j'ai failli oublier qu'y avait Thomas là, posé sur la tomate du Best Buy. Y'a Derka avec Taï qui débarque, ouais il caille. Et y'a Coeur posté qui baille. Y'a mais, fais gaffe aux flics on sait jamais. T'es plus au charbon tu t'emmerdes, pour rien tu jures ta mère. J'écrivais ce texte hier, j'l'ai repris aujourd'hui. Et ouais, demande Arnoré, avec l'alcool on oublie. J'suis au quartier, c'est le matin, ça gratte des bars sous boucan. Et ouais, demande à Estine, on est sur les nerfs tout le temps. Et là, j'continue mon texte tout le temps. Pensant à mon frère qui doit voir son père, on parle souvent. À dire que c'était l'inverse, y'a pas moins d'un an. Putain, c'est trop laser, j'ai même fait ma demande. Mais rien à faire, je pète les plombs. Avec tout le monde, je coupe les ponts. Depuis l'école, je touche le fond. Mais le ballon, j'mets des petits ponts. Ça sert à rien de jouer les grands, se montrer au ticard. Flash à la main, gros pétard. On fait mon sofa jusqu'à très tard. J'ai le blues, mais laissez-moi. Sortez mes frères, comprenez-moi. Depuis tout petit, j'ai le démon. Insulte ma mère, je t'en ai t'es mort. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va rester là. Rêver d'une vie à la GTA. Tu peux dire tout ce que tu veux. Quand y'avait un bruit, moi j'étais là. J'rappe pour les fratello. Depuis l'époque de bébé Tello. Nique les bleus, les chiens, trouvent la peu même bien emballé dans ses lots. Mon ghetto, ça sert les clean sans vélo. Non, mais télé. 3 heures d'après, me faire corser. Coca, le vélo. À part ça, moi ma vie, oui, c'est la crise point com. Et j'en suis pas ravi, mais je resterai toujours comme je suis. Tu me suis, je te fuis, tu me fuis, je te suis. Et yo, et yo, et yo, toujours en quête d'une vie meilleure, meilleure, meilleure. T'es pas dans le game, tu me fais le player, player, player. Moi, faut que je me taille ailleurs, ailleurs, ailleurs. Levez vos bras en l'air, oui, là, c'est le com-com. À part ça, moi ma vie, oui, c'est la crise point com. Et j'en suis pas ravi, mais je resterai toujours comme je suis. Tu me suis, je te fuis, tu me fuis, je te suis. Et yo, et yo, et yo, toujours en quête d'une vie meilleure, meilleure, meilleure. T'es pas dans le game, tu me fais le player, player, player. Moi, faut que je me taille ailleurs, ailleurs, ailleurs.